vie salie. Je la fais de cendres de martin gris. Ma vie salie, c'est un désert de chanvre et de whisky. Pourquoi veux-tu t'y perdre, ma jolie, quand je fais mes rêves pour la quitter? Mon impasse. Ne pense plus à moi, ce que tu risquerais, c'est ta vie. Ne tombe pas avec moi, ce que tu jurerais, c'est ta vie. Et ce que tu vas faire sans chercher à penser, c'est t'enfuir. Te laisser te gâcher. Ma vie salie, c'est mon enfer qui dure depuis plus de 20 ans. L'ennui c'est que moi je ne peux échapper, alors que toi tu peux t'en aller. Ma vie salie, je fais mes rêves pour la quitter. On me passe.